Chapitre 3e. Au milieu de sa vie aventureuse, Massimo d'Astorre avait enfin trouvé un répit pour goûter à la Villa Rombelli, un peu de repos dont il avait si grand besoin, et il en jouissait paresseusement. Il était ennuyé de recevoir et de lire ses lettres, même les plus importantes. Après quelques jours, il trouva que cette existence calme convenait à la disposition actuelle de son esprit, et il résolut de prolonger son séjour chez sa tante. Il se sentait là, heureux négativement, loin des excitations, du tracas et de la hâte de son existence habituelle. C'était un homme compliqué et peu facile à comprendre que monsieur le marquis d'Astorre. On le connaissait mal. Il avait débuté dans la vie depuis si longtemps qu'on pouvait même se tromper sur son âge, et bien qu'il fût jeune encore, on s'étonnait de sa jeunesse persistante. Il possédait, du reste, cette beauté absolue qui défie les années. On comprenait que le temps ne pourrait pas grand-chose contre ces traits d'une régularité sans faute, contre cette figure à l'aspect marmoréen, animée cependant par deux grands yeux bruns au regard profond. Ses cheveux noirs, rejetés violemment en arrière, et sa courte barbe brune, faisaient ressortir la chaude pâleur de son teint, toujours le même, son cou puissant et féminin à la fois, comme celui des statues grecques, et son corps aux proportions parfaites, si rares de nos jours, faisait songer aux époques païennes. Grand, élégant jusqu'à l'exagération, d'une façon qu'il avait inventée lui-même, mais sans paraître s'en occuper, il savait être froid ou cordial, hautain ou charmant. Il était fêté, admiré, détesté, car on ne pouvait qu'aimer ou haïr cet homme insolemment beau, généreux à l'excès, rempli de courage et d'audace, qui une fois à un bal à Londres avait inspiré une telle folie à une très grande dame, célèbre pour sa beauté, qu'elle s'était éclipsée avec lui au milieu du cotillon et s'était laissée enlever en traversant la Manche, au jour naissant, en robe de bal, et le capuchon de son burnous brodé d'or couvrant à peine sa tête ornée de fleurs. C'était un de ces types qu'on essaye inutilement d'imiter, et, naturellement, il avait de nombreux imitateurs. On le voyait à un tel point supérieur à ceux qui l'entouraient qu'on ne pouvait se soustraire à la domination qu'il exerçait. Il descendait d'une des plus anciennes familles de la Romagne, établie depuis 2 siècles à Florence, où il était né dans un vieux palais noir fièrement blasonné aux angles. Sorti de bonne heure du collège, où on l'avait mis à la mort de ses parents, et encore presque enfant, il se trouva maître de lui-même et possesseur d'une fortune de 3 millions. Toutes les routes s'ouvraient devant lui. Rien ne s'opposait à l'exécution de ses moindres caprices. Les premières folies de ce bambin, dont l'aplomb extraordinaire contrastait avec la figure encore toute rose, eurent un caractère original qui ne déplut point. Malgré son extrême jeunesse, il porta coquettement l'uniforme d'officier de cavalerie en 1859. Puis, détestant déjà la vie monotone que ses pareils menaient à Florence, il voyagea. Ensuite, tout en sachant parfaitement que cela ne le mènerait à rien ou à peu de choses, il était entré dans la carrière diplomatique. Ce jeune audacieux, qu'on croyait habile seulement aux exercices du corps et aux prouesses physiques, possédait en outre, sans qu'on sût de quelle façon il s'y était pris pour l'acquérir, une très solide et assez grande instruction. Il fit de brillants examens. On s'aperçut déjà à cette époque qu'il se montrait superficiel et ne l'était pas. Il fut content de sa décision, aimant le déplacement et trouvant la diplomatie amusante tant qu'on ne pensait pas à l'envoyer dans des villes ennuyeuses. Et d'autant plus qu'on avait pour lui au ministère tous les égards dus à sa position et à son insouciance pour l'avancement. Il trouvait qu'à son âge, les mots, attachés de légation, ne faisaient pas mal sur les cartes de visite. Du reste, admis de bonne heure à tous les plaisirs, dans un milieu de luxe et de vanité, trouvant toutes choses à sa portée, et les hommes plus bas que les choses, trop rapidement mûris par la vie précoce et les lectures hâtives, savourant les jouissances avant les désirs, mordant aux pommes de toutes les sciences, n'acceptant aucune idée sans examen et raisonnant trop, ne considérant sa supériorité que relativement, de sorte que sa fierté devant les hommes ne trouvait pas sa juste compensation, dans l'humilité devant l'absolu, il s'était trouvé à 20 ans aussi vieux qu'on peut l'être, et à l'âge des passions plus nobles, il ne se sentait que celle des vieillards, l'ambition, et celle-là même faiblement. Tout en se vautrant dans les plaisirs de l'air le plus ennuyé du monde, il cherchait autour de lui d'un œil avide une pâture à son ambitieuse vanité, tâchant d'apercevoir un but quelconque qui valût au moins la peine de l'effort. Il lui sembla impossible d'en trouver. Il s'obstina, essaya d'entrevoir, de calculer. Il se persuada de plus en plus qu'il n'y avait rien. Peut-être, se dit-il, suis-je arrivé trop tard ou trop tôt. Alors, trouvant que les choses dites sérieuses ne méritaient pas d'être prises au sérieux, il ne pensa plus qu'à vivre et devint un homme de plaisir. Comme il arrive souvent chez les désœuvrés qui ont de l'imagination, la passion du jeu s'empara de lui. Et, jointe à ses goûts raffinés de luxe et d'élégance, elle le mena si loin et si vite qu'il passa pour ruiné au bout de 5 ans. Il avait en effet dissipé le capital amoncelé pendant sa tutelle, vendu le quart de ses terres et couvert le reste d'hypothèques, ce qui ne l'empêchait pas de continuer son train de vie et de jeter toujours l'argent à pleine main. Il dut enfin cependant connaître la gêne, toutes les petites horreurs des expédients, la main de fer de la nécessité, l'insensible commencement de déconsidération dont on est entouré et qui réjouit les envieux. Il connut par moments cette misère relative qui a aussi ses cruautés. Il dut se mêler à tous les mondes, plus qu'il n'avait fait jusqu'alors, et il put étudier la vie sous ses aspects les plus variés. Des jours pénibles commencèrent, et si le présent était dur, l'avenir apparaissait sombre. Mais il garda toujours la tête haute et le sourire aux lèvres, défiant la destinée, reconnaissant envers les amis sincères et dédaignant de s'apercevoir des défections que l'ingratitude faisait autour de lui. Au moment où on le croyait vraiment à bout de ressources, où on se disait qu'ayant fini de ramasser les débris de sa fortune, il serait forcé de montrer sa ruine, il fit deux héritages énormes coup sur coup. On s'attendait à le voir au fond de l'abîme, on le vit sur le pinacle. 10 fois plus riche alors qu'il ne l'avait jamais été, il eut pour servir ses désirs, pour satisfaire les caprices qui pouvaient lui rester, le pouvoir que prête une fortune colossale quand on a appris à ses dépens à en faire usage. Pour un homme déjà si vieux au moral, c'était presque un rajeunissement matériel. Il en usa généreusement, car, prodigue pour lui-même, il était fastueux en donnant et il s'en cachait. Peut-être par bon goût, comme il aimait le luxe peu voyant. Mais au milieu de cette existence facile et fatigante en même temps, quelle était sa vie intérieure? Ne s'occupait-il que de choses sensuelles, ou bien un penseur se cachait-il sous ce gentilhomme négligent et sceptique, méprisant l'opinion, bravant tout, ne se refusant rien, et assez distrait pour accepter souvent la société des imbéciles sans s'en apercevoir? Quelques-uns, parmi ceux qu'il connaissait le moins mal, avait deviné à peu près tout cela, mais pour comprendre sa vraie nature, il eût fallu fouiller plus profondément, et ceux-là eussent peut-être alors été bien étonnés. Quoiqu'il se donnât rarement la peine de plaire, il avait eu des succès de tous les genres. Il s'en souciait fort peu et ne s'apercevait pas de l'envie qu'il excitait. Il abandonna la diplomatie et n'eut plus que sa fantaisie pour loi. Le dernier poste qu'il accepta fut celui de Saint-Pétersbourg, qu'il dut quitter au moment où il devenait presque russe, à la suite d'une fâcheuse aventure terminée par un duel. Il se fixa alors à Paris. Ses parents et ses amis d'Italie parlaient de lui comme d'un personnage bizarre et l'accusaient d'être très étrange tout en prétendant qu'il affectait l'originalité. Il tâchait de le faire passer en même temps pour un peu poseur et pour un peu fou, ce qui ne les empêchait pas de l'envier de toute la faiblesse de leur âme et d'être prêt à commettre devant lui toutes les bassesses imaginables après en avoir dit tout le mal qu'il pouvait. On l'admirait involontairement, comme on admire ceux qui vivent à l'étranger ou qui viennent de loin. Son arrivée était toujours considérée comme un événement. On observait ses moindres actions, ses manières, sa façon de s'habiller. On répétait tous ses mots. Tout ce qu'on racontait de lui était commenté et exagéré. 3 jours après, la comtesse changea brusquement de manœuvre et devint presque froide avec lui. Il ne daigna pas s'en apercevoir, ce qui la fit entrer dans une rage contenue au bénéfice momentané du cousin. Massimo n'en trouva pas son séjour à la villa moins agréable. On l'aimait assez et on le craignait un peu. Le petit Giacomo observa que parfois on se sentait à l'aise en sa compagnie, puis qu'il intimidait subitement. On disait toujours un peu de mal de lui chaque fois qu'il quittait le salon, et on l'écoutait toujours avec ravissement quand il voulait causer. Bientôt fatigué de bouder, la comtesse revint à l'assaut. Massimo, par mauvaise habitude invétérée, se laissa aller à lui faire la cour. Cela donnait du piquant à la villégiature, car il aimait et cherchait leur peau, mais ne pouvait le supporter trop complet. Quant à Elisa, la pauvre enfant qu'il avait retrouvée si pâle et si malheureuse, lui faisait réellement de la peine, en pensant au sacrifice qu'on voulait exiger d'elle, à l'avenir sombre qui l'attendait. On accusait toujours Massimo de n'avoir aucun respect pour les femmes. Ses manières railleuses, son cynisme, sa conduite le prouvaient bien souvent. Mais il y aurait une distinction à faire, subtile mais vraie. C'est que s'il méprisait les femmes, dans son fort intérieur, il estimait hautement la femme. Peut-être son culte donnait-il la raison de son mépris. Elisa lui semblait une femme dans la plus haute signification du mot, chose rare. Du reste, il faut l'avouer, si Massimo respectait la femme, s'il la plaignait surtout, il aimait la courtisane. Épicurien par nature et par habitude, n'ayant jamais pu qu'entrevoir l'amour par échappée fugitive, comprenant l'art sous sa forme la plus sensuelle, saisissant toute la gamme des voluptés, depuis les plus grossières jusqu'aux plus spirituelles, il aurait peut-être trouvé son idéal en une hétaïre grecque ressuscitée dans notre siècle. Blasé comme il l'était, il se souciait fort peu de tout. Mais depuis 2 ans, il avait fait la connaissance d'une actrice qui l'avait charmé. Artiste passionnée, femme capricieuse, intelligence déliée et corrompue, la Kanzler était un type. Elle possédait la beauté païenne, soumise et impérieuse à la fois. La douceur, l'indulgence moderne des sentiments s'unissaient en elle à la dépravation antique. Elle avait les lignes du marbre, mais non sa sérénité. Ses formes, ses attitudes rappelaient celles des déesses de la Renaissance, mais son âme connaissait toutes les maladives tristesses de notre temps. Massimo avait remarqué l'effrayante pâleur d'Elisa quand elle était redescendue au salon à l'heure du dîner, le jour de l'arrivée de sa mère. L'affreux consentement avait-il été arraché? Le lendemain, M. Gorletti était parti, rappelé en ville par d'importantes affaires. Quelques jours après, M. Valenti était arrivé. C'était un homme assez distingué et très poli, affectant la gaieté et l'insouciance et disant parfois des choses très bizarres. Lui aussi, cependant, malgré ses bons mots, paraissait préoccupé, et il eut de longues conversations particulières avec sa fille. Il annonça à la marquise qu'à son grand regret, il ne pouvait rester que 2 jours. En sa qualité de viveur mis au vert, Massimo jouissait de la campagne comme un écolier en vacances. Ayant pu vaincre, dès le 3e jour, l'habitude de se lever pour le déjeuner, et à grand-peine encore, il goûta la saine volupté presque inconnue de se promener de grand matin à travers le parc, dans la fraîcheur du réveil des arbres. Il expliqua si bien à Madame la Sardie à quel point c'était agréable et hygiénique qu'elle se convertit à cette nouvelle théorie, de sorte qu'un beau matin, le cousin Giacomo, les ayant reconnus de sa fenêtre, se promenant ensemble lentement dans une allée lointaine près de l'habitation du jardinier, prit le parti de se faire appeler en ville et s'en alla tout à coup. Le même soir, des visites arrivèrent d'une villa voisine et on arrangea une longue excursion pour le surlendemain. On devait partir à l'aube et revenir très tard pour dîner. Massimo annonça qu'on ne pouvait compter sur lui car il devait le lendemain aller voir des amis à Como et ne serait de retour lui aussi que le surlendemain soir. Giacomo est parti bien subitement. « Que lui est-il arrivé, marquise ?» demanda Terzi. « Je n'y comprends rien, » répondit la maîtresse de maison. Il prétend avoir reçu une lettre pressante. « Il a toujours été un peu fou, du reste, mon excellent neveu. » Elle dit cela le plus sincèrement du monde et en ajoutant « Mais il reviendra bientôt. » La conversation devint générale, mais à côté de la cheminée, d'Astoré et la comtesse avaient un aparté. Elle était assise dans un fauteuil chauffant ses souliers mignons au feu flambant, le teint rosé par la chaleur, malgré l'écran japonais qu'elle tenait à la main et qu'elle semblait regarder fixement en souriant. Lui, debout, un peu penché, l'air sérieux, lui parlait sans trop baisser la voix et de l'air le plus naturel. « Comment ?» lui disait-il. « Vous qui prétendez être indépendante, vous n'avez même pas le courage de rester à la maison quand une promenade vous ennuie ?»« Pardonnez-moi, comtesse, mais je déclare que malgré vos airs de bravade, vous êtes la plus timide des femmes. »« Mais que dira-t-on ? Que voulez-vous qu'on dise ?»« Ah, comtesse, si dans la vie vous vous laissez toujours arrêter par cette question-là, vous êtes une femme perdue. Et sachez-le bien, on se taira toujours, quand on ne saura rien, et on dira régulièrement tout ce qu'on aura envie d'inventer, quoi que vous fassiez. » Elle se tut, songeuse. « Vous me croyez donc bien dangereux ?» Elle leva les yeux, le regarda un instant sans répondre, et comme son regard affirmait, elle répondit résolument « Non, pas du tout. » « Eh bien alors, personne ne le saura. Quand ils arriveront, je serai censé être revenu depuis 10 minutes. Vous, votre migraine sera un peu passée, mais vous consulterez tout de même cet excellent docteur, et il vous écrira tout de suite une ordonnance. » « Je m'en vais. On nous regarde. Il faut que je fasse un peu ma cour à la marquise. Répondez d'abord, oui ou non. Eh bien non, c'est impossible. Vous en êtes sûr? Presque. » Et elle s'éloigna. Massimo alluma une cigarette et se mit à causer avec Donna Maria et les autres. Le surlendemain matin, à midi, Massimo était de retour. Il arriva à pied, ayant congédié le vetturino au bas de la montée conduisant à la villa, où son domestique était venu le rejoindre pour prendre ses effets, et il entra par la petite porte du parc. Personne ne le vit. Il traversa les salons, se glissa dans un petit boudoir tout au fond et parut étonné de ne trouver personne. Il monta à sa chambre. « Ils sont tous partis ce matin ? » demanda-t-il à son domestique. « Oui, monsieur, excepté madame la comtesse Lassardi. Elle a déjeuné seule à la maison, mais il y a une heure, elle a reçu une dépêche, et elle a immédiatement ordonné d'atteler, tandis qu'on faisait ses malles. Il n'y a pas 5 minutes qu'elle a quitté la maison. » « Si monsieur le marquis était venu par la grande allée, il l'aurait certainement croisé. »« Vraiment ?» dit Massimo d'un air indifférent. « Y a-t-il des lettres ?»« Oui, monsieur, elles sont là, sur le bureau. »« C'est bien, laisse-moi. » Massimo prit les lettres. Deux portaient les timbres de la poste, puis il y avait un billet contenant quelques mots tracés au crayon. « Je reçois un télégramme qui m'annonce que mon mari est arrivé à Milan, malade. Rien de grave, mais il faut que je parte. « Je laisse une lettre pour la marquise et ce mot pour vous, en toute hâte. » J'étais resté, je ne puis le nier. Le hasard dispose autrement. Que dois-je dire? Tant mieux. Adieu, au revoir, peut-être. » Désappointé et fatigué de sa course, Massimo se coucha sur un canapé et s'y assoupit un instant. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre. Il y resta longtemps accoudé, goûtant le charme de ne rien faire. Ensuite, il descendit nonchalamment et arpenta les chambres en réfléchissant. Un sourire flottait sur ses lèvres. Près du petit boudoir du fond où il avait déjà pénétré en arrivant, il s'arrêta et prêta l'oreille, car il lui semblait y entendre un bruit indistinct. Après une minute d'attente, il se décida à y entrer avec précaution. Elisa Valenti, couchée de tout son long sur un divan qui tenait le fond de la pièce, la tête cachée entre ses bras croisés, pleurait à chaudes larmes comme affolée de douleur. Il semblait qu'elle fût tombée là, brisée, pour ne plus se relever. On eût pu la croire morte, si, de seconde en seconde, les sanglots n'eussent secoué tout son corps. Elle portait un costume de matin très élégant, et ses cheveux éclairés par un rayon de soleil prenaient des reflets dorés. De ses deux mains, elle se cachait la figure contre le coussin. Massimo resta quelques instants à la contempler et oublia la comtesse Lassardi, sentant se réveiller tout l'intérêt que la terrible situation de cette jeune fille avait excité en lui. Elle était là, jeune, belle, charmante, et déjà la douleur, qui peut abîmer toute une vie, semblait la classer parmi les vaincus de ce monde. Certes, Lorsqu'elle passait en voiture, à côté de la marquise, les petites paysannes devaient l'envier du fond de leur cœur. Elle avait sa place parmi les heureux de convention, le luxe l'entourait, l'élégance de sa toilette s'ajoutait à l'élégance de sa personne. Mais comme elle aurait certes préféré le travail et la pauvreté à la misère cachée et réelle de son existence. Et ce qui était encore pire, on l'aimait, on sympathisait avec elle, on la plaignait, mais qui pensait à la secourir? On lui prodiguait les expressions de l'attachement le plus affectueux, on la cajolait, on la flattait. Mais l'idée ne venait même pas à ses amis de conspirer tous ensemble pour l'arracher au sort horrible qui l'attendait. Que d'impuissance égoïste au fond de cette amitié si belle en apparence, si sincère même, mais si faible. On acceptait le sourire d'emprunt d'Élisa, le masque de froideur que sa courageuse fierté lui imposait. On feignait lâchement d'y croire. Personne ne cherchait à l'aider. La marquise, si bonne, n'osait user de son influence. On l'aimait jusqu'à lui être utile exclusivement. Certes, c'était chose bien difficile, presque impossible, il fallait en convenir, mais comment n'y avait-il personne du moins pour le tenter? Elle cessa enfin de pleurer, et se soulevant un peu sur ses coudes, elle regarda droit devant elle, sans rien voir, l'œil fixe, la figure pétrifiée. Ses yeux rouges étaient secs maintenant, mais on voyait sur ses joues la trace des larmes figées, tandis que sa bouche paraissait contractée par la souffrance intérieure. Massimo, caché pour elle, l'apercevait de profil. Il se retira tout doucement et s'en alla au jardin. L'image de cette jeune fille, ployant sous la douleur, restait devant lui comme une vision. La tristesse de la vie lui apparaissait sous un aspect qui lui était presque inconnu. Irrésistiblement, il se rapprocha encore du boudoir. Et lui aussi, qui accusait presque les autres, lui qui était habitué à mépriser les obstacles, que pouvait-il faire pour elle? Rien, absolument rien. Il prêta l'oreille et entendit encore sa respiration haletante. La tentation lui venait d'entrer, de se montrer, de lui demander s'il pouvait lui être utile en quelque manière, de lui offrir ses services, son dévouement, mais à quoi bon? Rien ne pouvait donc la soustraire à l'étreinte des mains crochues de ce détestable Gorletti. Massimo, qui, comme presque toutes les natures généreuses et imparfaites, haïssait bien, sentit que l'antipathie qu'il avait vouée dès la première vue à ce vilain petit homme devenait de la haine. Il eût voulu pouvoir rendre la résistance possible à Mademoiselle Valenti, autant pour la voir heureuse que pour faire du mal à M. Gorletti. Ce double but lui semblait également désirable. Puis ses idées changeaient de cours. « Elle n'est pas de son siècle, la pauvre enfant, » pensait-il. « Combien de jeunes personnes seraient heureuses à sa place ?» Comme elles donneraient volontiers leurs blanches mains à quelque avorton 10 fois plus laid que Gorletti, mais aussi riche que lui. Comme elles seraient bien, dans leur petite tête à expression ingénue, s'arranger un joli avenir confortable. Comme elles le fouilleraient dans ses moindres détails, cet avenir, tandis qu'en les voyant, les yeux baissés, accoudés à un fauteuil dans une pose réfléchie, on admirerait la modestie de leur maintien et leur charmant air sérieux. Il rentra dans les appartements, et sur la pointe des pieds, alla regarder par la porte du boudoir. Élisa était toujours à la même place. Par hasard, elle tourna la tête et le vit. D'un bond, elle se leva, excessivement surprise, s'appuyant au dossier du canapé et essuyant rapidement avec son mouchoir la trace des larmes récentes. Massimo lui tendit la main, comme il faisait tous les jours, et il tendit la sienne machinalement. Elle était sans voix. L'idée que d'Astore, qu'elle croyait à Como, avait pu la voir dans l'état de crise où elle se trouvait, la troublait et lui faisait mal. « Comment, vous êtes déjà de retour ?» lui dit-elle dès qu'elle put parler, et avec un vaillant effort pour paraître calme. « Oui, mademoiselle. Et je ne vous savais pas là, autrement je ne me serais pas permis d'entrer. Je vous demande pardon. Je vais me retirer tout de suite, si vous le voulez. »« Mais non, je ne vous chasse pas. » répondit-elle en s'efforçant de sourire. « C'est moi qui devrais vous quitter dans un instant. J'ai des lettres à écrire. Cela m'ennuie beaucoup car je ne me porte pas bien. J'ai un mal de tête affreux. C'est pour cela que je suis resté seul à la maison. Le sacrifice n'a pas été grand du reste. Ces longues excursions ne m'amusent guère. » Elle parlait avec peine. La crise n'était pas finie. Par moments, des sanglots lui montaient à la gorge, aussitôt refoulés. Massimo ne disait rien et l'observait. Tout à coup, elle dit « Étiez-vous là depuis longtemps? M'avez-vous vu ?»« Oui, j'étais là, je vous ai vu. »« Je dois vous paraître bien faible, sinon ridicule. » « Et cependant, je ne suis pas sujette aux crises nerveuses, et je ne pleure pas facilement. » Massimo la regardait avec beaucoup d'attention et comme pour lire dans son âme, mais il n'y avait rien d'irrespectueusement curieux dans cette manière de l'observer. « Signora Elisa, dit-il enfin, vous êtes à la fois bonne et intelligente. Je m'en étais toujours douté, j'en suis sûr maintenant. Les deux choses vont ensemble plus souvent qu'on ne le pense. Eh bien, moi, je ne dois pas non plus vous faire l'effet d'un idiot. C'est donc parce que vous me croyez méchant que vous me parlez de cette façon. Permettez, veuillez ne point m'interrompre. Oui, vous devez avoir une très mauvaise idée de moi. C'est assez naturel. Vous croirez sincèrement à la réputation dont je jouis dans le monde, ou bien mon aspect, mes manières, les théories que je débite quelquefois, vous auront fait juger de moi défavorablement par vous-même. Eh bien, je crois que vous vous trompez. J'ai peut-être commis des crimes, mais au fond, je suis aussi bêtement bon que doit être un homme d'esprit. Regardez-moi bien en face. Peut-être vous apercevez-vous que vous ne m'avez jamais vu. Et si je vous faisais une question, si je me permettais de vous parler sincèrement, me croiriez-vous poussé par une basse curiosité ou par un intérêt véritable ? Il avait raison, il n'avait jamais inspiré aucune confiance à Mademoiselle Valenti. Elle le prenait pour un homme froid, cynique, dangereux. Il lui semblait faire part de cette bande insouciante et dure des heureux du monde avec laquelle elle ne pouvait avoir rien de commun. Ses défauts lui faisaient peur autant que ses qualités. Elle admirait son esprit, mais elle le craignait. Le jugeant intelligent et pervers, et tout en le trouvant aimable, elle ne pouvait se défendre d'un certain éloignement instinctif. Maintenant, peut-être à cause de la situation de son âme, il lui apparut subitement tout autre. Il y avait dans sa voix, dans son accent, dans son regard, dans toute sa personne, quelque chose de sévère, de sincère, de profond, qu'elle découvrait pour la première fois. Jamais elle ne l'aurait cru capable de prononcer les paroles qu'il venait de lui adresser, et que, dans sa surprise, elle comprenait à peine. Lui, qu'on disait si léger et si orgueilleux, si sceptique et si froid, était-ce bien lui qui venait de lui dire ces quelques mots avec tant de bonté et presque humblement ? « Nous nous connaissons depuis longtemps, continua-t-il, quoique nous ne nous voyions guère. Vous rappelez-vous, un jour, il y a de cela quelques années, où je vous ai rencontré avec vos parents sur le bateau allant à Cadenabia. J'étais avec les Stanley, il me semble. Vous étiez bien silencieuse ce jour-là, et déjà triste de la tristesse des jeunes filles. Je vous ai observé. Vous rêviez à l'avenir. Vous regardiez la vie et apparemment cela ne vous semblait pas gai. Alors votre mélancolie était charmante. J'ai pensé que cela doit être bon de pouvoir être triste de cette façon-là. Moi, j'étais très gai ce jour-là et je vous enviais. J'ai remarqué un grand changement en vous retrouvant ici. Je ne vous envie plus maintenant. Me permettez-vous de vous parler ainsi ? Elisa ne pouvait répondre, car malgré ses efforts pour les retenir, les larmes revenaient. Elle faiblit de nouveau tout à coup et cacha sa figure entre ses mains pendant un instant. Lorsqu'elle releva la tête et les yeux tout rouges, d'Astoré reprit. « Je ne vous fais pas peur, n'est-ce pas ? Pensez, j'ai 99 ans. » Un léger sourire involontaire passa sur les lèvres de la jeune fille. « Non, dit-elle enfin, vous ne me faites pas peur. Veuillez m'excuser, vous devez me trouver bien étrange. Je sens que vous êtes bon, je vous remercie, mais laissez-moi. Il est inutile que je vous raconte ce que vous n'ignorez pas. La marquise m'a dit, je m'en souviens, que vous avez tout deviné dès le premier jour. Vous savez pourquoi je me désole, bien que vous ne puissiez peut-être le comprendre complètement. Tout le monde du reste le sait maintenant. Et vous, que pourriez-vous me dire ? Je ne voudrais rien dire, mais je serais heureux de pouvoir vous être utile de quelque manière. C'est impossible, répondit-elle en souriant amèrement, et avec un tel accent que Massimo resta quelques minutes sans ajouter un mot. Pendant ce silence, il l'observa. La perte de tout espoir se lisait si bien dans son regard presque vitreux, ses traits rigides, sa pâleur contrastaient tellement avec la grâce juvénile de ses formes, montrant en plein épanouissement la jeunesse de son corps et déjà fini la jeunesse de son âme. Les traces cruelles de la vie étaient déjà si visibles sur ce visage amaigri qu'il eut presque peur, et qu'une sorte de respect religieux s'empara de lui devant un tel désespoir. Et cette force dans la souffrance, cette habitude de dissimulation était plus pénible à remarquer chez cette jeune fille qu'une explosion de douleur. Par un effet habituel, elle s'était raidie, avait repris possession d'elle-même et s'était relevée toute droite dans son maintien correct tel qu'on la voyait dans le monde. Merci de l'intérêt que vous me portez, continua-t-elle d'une voix assurée. J'en suis touchée, mais je le répète, vous ne pouvez rien faire pour moi, personne ne le peut. Vous le voyez, je suis calme. Je crois que vous estimez comme vous le méritez, puisque je ne regrette plus que vous ayez vu pendant un instant ma physionomie réelle. Je serais fâché que tout autre eût été à votre place. C'est peut-être un excès de fierté qui me donne cette pudeur exagérée des sentiments, mais que voulez-vous, je suis comme cela. Merci encore. Il faut que je monte, il est déjà tard. Elle s'est élevée, mais il la retint. Restez encore quelques minutes, je vous en prie. Écoutez-moi, signora Elisa. Vous ne pouvez donc pas me faire l'honneur de m'accorder votre amitié ? Elle le regarda, étonnée, et fit un signe d'assentiment. Eh bien, mademoiselle, vous avez la mienne. Vous l'avez complètement, comme je la donne quand je l'offre, ce qui n'arrive pas souvent. Permettez-moi donc de vous dire tout ce que je pense, de parler ouvertement. Il ne faut pas que vous épousiez cet homme. Elisa hocha tristement la tête avec ce geste qui veut dire « à quoi bon parler ?» Puis tout à coup, se rasseyant, « Savez-vous ce que m'a dit ma mère ? » Elle m'a dit « Oh non, je ne puis vous répéter ces paroles. » Et mon père, mon pauvre père, s'est mis à genoux devant moi. Mais, comprenez donc, M. Gorletti a tout fait pour nous. Deux fois déjà, il a sauvé ma famille avec une habileté extraordinaire. Maintenant, la ruine complète, nous menace encore. Et que peut-on espérer cette fois ? Il ne peut plus rien faire. Toutes nos ressources sont à bout. Il n'y a plus rien à essayer. Il m'a demandé ma main. Ce mariage arrangerait tout. Avez-vous accepté ? Oui, presque. Mais j'ai dit que je suis malade, ce qui est vrai, et qu'on me laissa encore en repos pendant quelques jours. Le hasard a fait qu'il a dû partir. C'est un court répit. Mais il reviendra, et il le faudra, alors. Oh, tenez, je voudrais bien mourir. Ces derniers mots furent prononcés avec un si rare accent de sincérité que Massimo resta quelques instants sans pouvoir articuler une syllabe. « Ne parlez pas ainsi, » dit-il enfin. « Je serais résigné si on me laissait en paix. Je ne puis vous expliquer comment cela se fait, mais ma vie est finie, j'en suis certaine. N'attendant plus rien, je pourrais être calme et bonne si on m'accordait le repos. Mes parents auraient toute mon affection, je leur cacherais ma tristesse, je trouverais toujours un sourire pour mon père. Mais plutôt que de me plier à ce qu'on veut, j'entrerai demain dans un couvent. Mais alors, résister à outrance ! Que diable, le temps des mariages forcés est passé. Et en effet, personne ne me force. On n'exerce aucune violence. On se contente de me dire que si je refuse, je suis un monstre de méchanceté stupide, et que par un caprice inconcevable, je plonge ma famille dans la misère, dans les angoisses, dans le déshonneur. Tout le monde me donne tort. Votre tante elle-même, la marquise, si bonne et si intelligente, me conseille le sacrifice. Êtes-vous sûr qu'elle n'ait pas raison ? Avez-vous réfléchi ? Moi, individuellement, je sens ce que vous sentez, et ne vous dis ceci maintenant que par acquis de conscience. Mais enfin, ne pourriez-vous pas, peut-être, trouver au moins le calme dans cette nouvelle vie qu'on vous propose ? Tant d'autres seraient heureuses à votre place. Non, je ne trouverai que l'horreur de tous les instants. Mais je ferai ce qu'on veut que je fasse. Vous-même, maintenant, semblez ne pas me comprendre. Oui, je renoncerai à tout, à mes idées, à mes sentiments, à ma dignité, à ma liberté, et je souffrirai tant qu'on voudra me faire souffrir. Jamais sacrifice n'aura été plus complet, et personne ne pourra savoir combien cela m'aura coûté. puisqu'on me dit que je le lui dois, je ferai mon devoir jusqu'au bout. Mais on ne peut pas m'empêcher de souffrir, et de penser que mon devoir est plus difficile que celui des autres, et est bien lourd pour mes forces. Eh bien, s'il en est ainsi, je le répète, résistez. Vous n'avez donc pas compris que c'est impossible, que mon père en deviendrait fou? Moralement, j'ai raison, mais au point de vue du monde, pratiquement, j'ai tort. Monsieur Gorletti n'est pas seulement un homme riche, honorable, c'est aussi le meilleur ami de ma famille. N'est-ce pas absurde de ma part de ressentir pour lui une antipathie irrésistible, de ne pouvoir même l'estimer? J'étais petite qu'il venait déjà dans la maison, et déjà je ne pouvais le souffrir. On me recommandait d'être gentil avec lui, et on me grondait parce que je m'échappais dès que je le voyais venir. Et puis ce serait la même chose s'il s'agissait d'un autre. Je ne veux pas me marier. Pourquoi veut-on absolument que toutes les jeunes filles se marient? Je sais en effet que vous avez déjà refusé plusieurs mariages. Oui, et chaque fois ma mère s'est mise en fureur. Quand M. Gorletti, qui ne paraissait pas du tout songer à moi, a commencé un beau jour à me faire des compliments, j'étais tellement étonné que je refusais de croire mes propres oreilles. Alors ma mère m'a jeté à la figure tous mes refus précédents, me disant que cette fois on devait vaincre un parti pris, et que je ne pouvais dire non. Puis mon père, qui m'aime à sa manière, a tâché de me persuader. Il m'a parlé pendant des heures, me demandant pardon d'insister, me démontrant que c'était nécessaire, me suppliant, faisant briller à mes yeux les avantages que j'aurais en acceptant et l'immense service que je lui rendrais. Mon antipathie pour M. Gorletti n'a fait qu'augmenter. Cependant, je ferai mon devoir selon le monde, et si j'en meurs, tant mieux. Pardonnez-moi de parler ainsi. Je sens bien que je ne le devrais pas, mais vous avez voulu me connaître. Par moments, voyez-vous, je suis presque résigné. Je ne sens qu'une morne douleur et qu'un dégoût profond. Puis, tout à coup, je me révolte encore, et je pleure, et je me tords dans une nouvelle crise de désespoir. Personne ne me voit, et je retrouve tout mon calme apparent en public. Vous m'avez surprise aujourd'hui dans un de mes moments de faiblesse. J'étais venu ici, me croyant seul dans la maison, car je déteste ma chambre en haut, la chambre où l'autre jour j'ai consenti à ma perte. Mais j'y remonte maintenant pour écrire. Je suis calme à présent, c'est fini. Oubliez, je vous en prie, ce que vous avez vu et ce que je vous ai dit, et à ce soir. Vous verrez que je dînerai comme tout le monde. » Elle se leva encore. Massimo la regardait attentivement. Son visage avait pris une expression résolue. « Eh bien, non, » dit-il en se levant aussi et en frappant du poing sur la table. « Non, je le jure, vous n'épouserez pas cet homme, je le tuerai plutôt. » Elle le regarda. « Ne me parlez pas ainsi. Songez que mon père lui doit tout. » « Non. » « Non, je ne le tuerai pas, quoique cela eût simplifié la question. Mais vous ne l'épouserez pas. Je vous étonne? Vous ne me croyez pas capable d'avoir un peu plus de volonté que les autres? Vous demanderez quel est mon droit pour venir ainsi vous offrir mon appui presque malgré vous? C'est le droit qu'a tout homme d'empêcher qu'une infamie s'accomplisse, s'il le peut. De sauver quelqu'un qui se perd, dût-il le faire contre sa volonté? Vous seriez sur le point de vous noyer, que je pourrais, je suppose, vous tirer de l'eau même sans votre permission. Je mettrai donc un obstacle à ce mariage. Je ne sais pas encore comment, mais je dérangerai tout cela. Dans ma vie, j'ai mis assez d'énergie dans l'accomplissement de choses qui n'en valaient pas la peine, pour qu'il me soit permis d'en user un peu afin d'empêcher le mal, lorsque je ne puis le voir de sang-froid. Je ne vous aime pas, signora Elisa. Je ne suis même votre amie que depuis une heure. Quand je vous quitterai, je ne vous reverrai peut-être jamais. Mais puisque je suis là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous tirer de l'affreuse situation où vous vous trouvez. » Mademoiselle Valenti monta et Massimo sortit par la porte-fenêtre du boudoir. Un jardin à l'italienne, à dessins réguliers, à parterres symétriques, s'étendait devant la façade de la villa. Derrière, de molles ondulations de terrain conduisaient à un parc boisé, très vaste, et où régnait en été une grande fraîcheur. Massimo alluma un cigare et fit rapidement le tour du parterre, puis, tournant autour de la maison, il s'enfonça parmi les arbres. Il marchait très vite, comme pour faire de l'exercice, piétinant sur les feuilles mortes qui déjà jonchaient le sol, tandis que les rouges lueurs du couchant se réfléchissaient dans les allées, passant entre les hautes branches à demi dépouillées. Peu à peu, il ralentit le pas. Il réfléchissait profondément, et certes, qui l'eût vu en ce moment eût deviné qu'il était absorbé dans un long monologue. Parfois même, tout en mâchonnant son cigare, il laissait échapper de ses lèvres quelques mots décousus. Il revint au parterre à fleurs déjà ternies du jardin et s'y promena encore longtemps. La villa blanche et gaie, avec ses vérandas ornées de plantes grimpantes, occupait tout le fond du jardin et paraissait basse malgré ses deux étages. Il regardait, tout en méditant, les vitres que les rayons du soleil couchant faisaient reluire. De l'autre côté, la vue dominait la plaine qui, bariolée de couleurs, s'élargissait jusqu'à l'horizon empourpré. Il se promena longtemps. On n'y voyait plus du tout qu'il errait toujours dans les allées sombres. Quand il rentra, tous étaient revenus et sur le point de se mettre à table. On s'était beaucoup amusé et on était très gai. La marquise déclara qu'elle ne se sentait pas du tout fatiguée et que si on le voulait, elle recommencerait le lendemain. Quant au départ subi de Madame Lassardy, on s'en étonna naturellement un peu, mais pas trop, quoique le peintre essayât de faire remarquer la coïncidence de son départ avec celui de Giacomo. Toutefois, une dépêche qui arriva après dîner, annonçant que M. Lassardy allait un peu mieux, mais que sa maladie était cependant assez grave, mit fin à ses conjectures. Elisa paraissait exactement la même que les autres jours, mais elle ne parlait pas. M. Corletti avait trouvé moyen de s'asseoir auprès d'elle. La présence de ses parents semblait aussi la rendre différente. Le marquis surprit plusieurs fois M. Valenti qui regardait sa fille à la dérobée, s'oubliant à la contempler affectueusement. L'intérêt puissant que Massimo prenait de plus en plus au drame caché qui se déroulait devant ses yeux ne l'empêchait pas de causer. Mais son esprit devenait mordant, incisif. Il étala, sous des expressions charmantes et raffinées, des théories d'un cynisme excessif, et se montra amer, pessimiste, presque brutal. Madame Arombelli en fut fâchée, mais n'exprima pas son mécontentement, sachant par expérience que dans ces cas, les paroles ne faisaient qu'encourager son élégant neveu à faire parade de ses idées et à se montrer pire qu'il ne l'était. Elisa, après le dialogue inattendu qui s'était passé entre eux, le regardait étonnée et se demandait quels étaient ses véritables sentiments. Elle finit par décider qu'il avait peut-être été très sincère dans ce qu'il lui avait dit le matin et qu'il l'était encore. Ce jugement était celui qui se rapprochait le plus de la vérité, car certes, Massimo possédait une nature à plusieurs faces. La soirée ne fut pas gaie. L'absence de la comtesse Lassardi se faisait sentir. Une vague contrainte régnait au salon. L'attitude de Corletti montrait de plus en plus ses intentions matrimoniales. Le peintre, qui manquait absolument de tact, se permit même une demi-allusion. Elisa était si pâle qu'elle dut prétexter une indisposition, ce qui donna occasion au docteur de faire une diversion aux assiduités de Corletti. Tandis que M. Valenti paraissait absorbé dans la lecture des journaux, la mère d'Elisa fatiguait tout le monde par son babil incohérent et sa bonne humeur déplacée. Seule la maîtresse de maison ne sortait pas de son calme habituel, mais elle aussi penchait souvent sa tête d'une façon pensive sur son éternelle broderie. M. Corletti s'étant levé un instant, Massimo traversa brusquement le salon et vint sans façon prendre sa place auprès d'Elisa. Il ne lui adressa que rarement la parole, mais ne bougea plus jusqu'au moment où tout le monde se leva. On trouva cela un peu étrange, et Corletti le regarda plusieurs fois, mais lui n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Quand il fut seul dans sa chambre, Massimo fit ses préparatifs comme quelqu'un qui n'a pas la moindre envie de se coucher. Il alluma toutes les bougies d'un candélabre, se revêtit d'un costume de chambre d'étoffe orientale, et les pieds dans ses pantoufles s'étendit dans un grand fauteuil. Il resta 2 heures immobile et on eût pu voir à l'expression sérieuse, préoccupée de sa physionomie, que des pensées très définies se remuaient dans sa tête. Évidemment, il continuait et reprenait le monologue du jardin. Il prit un paquet de cigares, en choisit un avec beaucoup de soin et l'alluma. Il lut quelques pages d'un roman qui traînait écrivit deux lettres, rangea des objets, des papiers en désordre, puis alla se mettre à sa toilette et se regarda minutieusement dans la glace. Là, il brossa longuement ses cheveux et sa barbe, comme d'habitude avec le plus grand soin, mais en même temps d'une manière si distraite et si machinale qu'il ne semblait pas avoir pleine conscience de ce qu'il faisait. Il tomba dans une apparente contemplation interminable de lui-même, mais de nouveau, la pensée s'agitait activement sous son front. Sur une étagère se trouvait un portrait qui ne le quittait jamais. Le cadre en était d'or, d'un magnifique travail, surmonté d'une couronne de marquis, et le portrait habituellement caché par deux petits auvents fermés à clé. Massimo l'ouvrit et le regarda longuement. C'était l'image d'une femme dans la première jeunesse, charmante, plutôt que belle, l'air doux et maladif, en grande toilette, le cou entouré de ses rangs de perles. Son regard enfantin et triste en même temps, ses cheveux bruns simplement coiffés, avec quelque chose d'indéfinissable et de touchant. En voyant cette peinture d'une extraordinaire finesse de touche et sans aucun doute l'œuvre d'un grand artiste, en contemplant l'expression sereine et presque inconsciente dans sa mélancolie de ce jeune et pâle visage, on eût facilement deviné que c'était l'image d'une personne morte. Qu'on explique comme on peut ou que l'on nie ce mystère, il est cependant arrivé à tout le monde, en voyant un portrait, de se dire « L'original n'est plus sur cette terre ». Et on sentait bien, en regardant ces douces figures, ces têtes de femme et d'enfant à la fois, que maintenant ses lèvres devaient être décolorées et ses grands yeux fermés pour toujours. Ce portrait, pareil à un reliquaire, suivait Massimo partout dans la marche désordonnée de sa vie. En le contemplant, son visage prenait une expression de tristesse et d'amour qu'on ne lui voyait jamais. Qui était donc cette femme ? C'était une femme pour laquelle Massimo avait ressenti une affection profonde et dont la perte avait été la seule douleur saine de sa vie. Seulement, lorsqu'il pensait à elle, cet homme, fort et dédaigneux, sentait son cœur faiblir et, dans sa poitrine oppressée, renaître un éternel regret, presque un remords. C'était sa sœur. Jamais il ne pouvait oublier le grand chagrin de son enfance, sa première séparation d'avec sa petite sœur adorée, la constante et gaie compagne de tous ses jeux, lorsque son tuteur eut décidé de le mettre au collège. En la revoyant aux vacances, chaque année, il la trouvait grandie, un peu changée, plus gentille pour tout le monde et toujours se pendant à son cou de la même façon. Elle avait 6 ans de plus que lui, et tandis qu'il n'était encore qu'un petit garçon, elle devint subitement une femme. Un jour, son tuteur était arrivé au collège et lui avait annoncé une grande nouvelle, sa sœur allait se marier. Elle épousait le marquis Rinaldi, un beau jeune homme très riche, capitaine de cavalerie et officier d'ordonnance du roi. C'était un magnifique mariage. Massimo en fut très étonné. Il lui semblait impossible que sa petite Lina pût devenir une grande dame d'un jour à l'autre, mais il n'en fut pas réjoui. Il n'assista pas au mariage qui eut lieu à Florence, et il ne revit sa sœur que 6 mois après. Elle se pendit à son cou et l'embrassa avec l'ancien abandon, avec une affection encore plus tendre, et fut très joyeuse de le revoir. Grandie et un peu maigrie, sans être belle, il la trouva plus charmante que jamais. À sa demande s'il était heureuse, elle répondit « Oui, et encore plus maintenant que je te revois ». Quant à son beau-frère, Massimo vit en lui un bel officier et un parfait gentilhomme, mais il ne put se défendre d'une certaine répulsion qu'il s'efforça en vain de combattre, devant le visage un peu dur, les manières courtoises et guindées, et la conversation précise et pédante du marquis. 3 ans après, Massimo, dans la joie d'avoir quitté le collège pour toujours, revit sa sœur. Il la trouva pensive et plus sérieuse qu'il ne l'avait jamais vue. Elle répondit à ses questions que, par malheur, on n'est pas toujours enfant. Massimo, comme nous le savons déjà, commença sa vie de plaisir et d'aventure. Mais au milieu de toutes ses folies, ce jeune homme précocement mûr, ce viveur froid, cet insouciant attaché d'ambassade, n'oublia jamais sa sœur chérie qui lui avait semblé moins heureuse qu'elle ne le disait. Il resta cependant très longtemps absent. quand, revenu en congé avant de partir pour Saint-Pétersbourg, il monta l'escalier du palais Rinaldi, il se sentit ému. En la regardant tout en la tenant embrassée, il trouva Lina très changée. Puis, en causant, il s'aperçut qu'elle était inquiète, nerveuse, préoccupée. Elle ne ressemblait plus du tout à sa capricieuse petite compagne d'autrefois. Il lui prit les mains, la regarda longuement dans les yeux et lui reprocha de n'avoir plus de confiance en lui. Elle lui répondit qu'elle n'avait rien et fondit en larmes. Le fait est qu'elle se sentait très malheureuse, ayant épousé Rinaldi sans le connaître, sans savoir ce qu'elle faisait. Dans les premiers temps, son mari l'effrayait, et elle éprouvait pour lui une sorte d'éloignement. En vain, elle s'était efforcée de se vaincre. Lui, de reste, ne l'avait certes pas aidée. Sévère, minutieux, hautain et tyrannique, il la traitait comme un enfant, parfois comme une ennemie, et exigeait d'elle une soumission passive, sans jamais rien faire pour obtenir son affection, tout en vivant de son côté parfaitement à sa guise. Elle n'avait pas une amie. On allait dans le monde qu'aux grandes réceptions, ce qui l'ennuyait beaucoup. Massimo fit alors des remontrances à son beau-frère, et celui-ci les accepta presque humblement. « J'ai eu tort en bien des choses, je m'en aperçois, et je te remercie de me parler franchement. Tout ira mieux, tu verras, » lui dit-il. Quant à Lina, elle était si contente de revoir son frère que sa tristesse se dissipa jusqu'au jour où il dut repartir. Massimo s'en alla en Russie plus tranquille. Oh, s'il eût pu prévoir comment il reverrait sa sœur chérie! Ce ne fut que 2 ans après. Massimo, tout à fait libre, et continuant à marcher, insouciant à travers ses succès, était à Paris. Souvent, au milieu de sa vie trop remplie, il pensait à sa sœur. Dans ses rares moments de solitude, il revoyait le petit boudoir jaune où il avait dit adieu. Parfois, au milieu d'un souper, son image charmante surgissait tout à coup devant lui. Cependant, il était rassuré à son égard. Tandis que dans les premiers temps, après leur nouvelle séparation, Lina n'écrivait que rarement quelques lignes toujours empreintes de mélancolie. Maintenant, au contraire, depuis plus d'une année, il recevait d'elle de bonnes longues lettres très affectueuses, dans lesquelles elle disait toujours que tout allait mieux, que son mari était meilleur pour elle, et ne la tourmentait plus. Seulement, de temps en temps, elle se plaignait un peu de sa santé. À la fin de l'été, elle écrivit qu'elle avait été réellement souffrante, et qu'il ne devait toutefois pas s'en inquiéter, que maintenant elle se sentait forte, les bains de mer à Livourne lui ayant fait beaucoup de bien. Après cette lettre, Lina resta longtemps sans écrire. Enfin, Massimo sut par son beau-frère qu'elle avait été malade, mais qu'elle allait maintenant beaucoup mieux. Elle-même ajoutait un mot en l'assurant qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il décida cependant d'aller la voir, mais il lui fut impossible de partir aussitôt qu'il l'aurait voulu. Des liens de toutes sortes le retenaient. Son départ fut retardé de semaine en semaine, puis sans cesse remis du jour au lendemain. Une nuit, en rentrant, il trouva un télégramme. Lina, gravement malade. Il partit immédiatement. En wagon, il sentit bien, dans son angoisse, qu'il passait des heures inoubliables. Mais les heures qui s'écoulèrent du moment où il entra au palais Rinaldi jusqu'à ce qu'il en ressortît pour ne jamais y remettre le pied, lui restèrent dans le souvenir comme la mémoire d'un songe affreux dont il ne lui fut plus possible de se réveiller complètement. La maison tout entière était remplie de ces rumeurs sourdes, de ce va-et-vient rapide et silencieux qui annonce la mort prochaine. On y sentait, de la veille, une vague odeur d'encens. Les domestiques, dans un maintien de circonstance, la mine allongée, se tenait discrètement immobile ou bien passait sans bruit à travers les pièces, regardant tout d'un œil curieux. Des sanglots étouffés sortaient d'un coin sombre. Il semblait que la lumière qui entrait par les grandes fenêtres, à travers les riches rideaux, fut différente des autres jours, et on s'étonnait ingénument de voir les objets à leur place habituelle, inanimés et symétriques comme toujours, au milieu du frémissement qui paraissait troubler l'air. Lina expirait. Massimo se précipita dans la chambre, plus pâle que la mourante, tout le sang lui ayant reflué au cœur. Elle le regarda en face de ses yeux grands ouverts, sans le voir. La vieille Sophia, la bonne qui avait soigné leur enfance à tous les deux, à genoux sur ses talons et accroupie sur elle-même, pleurait à fendre l'âme. Un grand vieillard, le médecin, était debout d'un côté du lit. Un autre homme, assis dans un fauteuil, tenait sa tête entre ses mains, de sorte qu'on ne pouvait le voir. Les traits de Lina, tout en conservant leur douceur, avaient déjà pris une rigidité terrible. Le docteur la toucha et fit un signe de tête aux assistants. Quelques instants se passèrent. Ils étaient aussi immobiles que la morte. De temps en temps, un sanglot troublait le silence solennel. Un instant après, on entendit un bruit de pas et de voix haute dans la chambre voisine. Instinctivement, tous se tournèrent et Massimo alla vers la porte. Comme il la franchissait, il se sentit prendre les mains. C'était le jeune homme dont il n'avait pu voir la figure. Il ne le connaissait pas. Pendant une seconde, il regarda, surpris, cet inconnu qui le regardait douloureusement. Mais en voyant la profonde sympathie qui se peignait sur sa figure toute mouillée de larmes, Massimo ne demanda rien et pressa fortement les mains qui avaient pris les siennes. Les voix se croisaient dans la chambre à côté. C'était Rinaldi qui, tout tremblant, interrogeait les domestiques. Il s'était absenté depuis 2 jours, se fiant à une fausse amélioration dans l'état de la malade, et venait d'arriver. Massimo s'approcha de lui, mais ne put parler. Le jeune homme avait disparu. Pourquoi, dans cette nuit sans sommeil, le souvenir de sa pauvre Lina lui revenait-il à la mémoire d'une façon si poignante? Tout se représentait à ses yeux dans une claire et douloureuse vision, et il se rappelait des détails navrants presque oubliés. Il se souvint de son séjour à la campagne, dans une ancienne villa abandonnée, tout de suite après les funérailles, et de tout ce que la vieille Sophia lui avait raconté. À l'entendre, la pauvre marquise avait toujours été très malheureuse. Son mari était très dur pour elle et la maltraitait. Il ne respirait qu'en son absence. Le docteur, en qui Massimo avait pleine confiance, n'était pas de l'avis de la vieille bonne et n'admettait pas comme elle que les chagrins de la marquise eussent précipité sa fin. Elle est morte malheureusement et simplement d'une phtisie galopante. Elle avait une légère tendance à la consomption et elle ne s'est pas soignée à temps. Quand on m'appelait, il était déjà trop tard. On ne meurt pas si souvent qu'on se l'imagine de maladie morale. » Massimo s'efforçait de croire à l'avis du vieux médecin, et cependant sa conscience lui reprochait bien des choses. Et pourquoi Lina, qui certes n'avait pas eu une existence calme, s'était-elle efforcée dans les derniers temps de lui faire croire le contraire? Et pourquoi l'avait-il cru? Et pourquoi était-il resté absent si longtemps? Il entrevoyait une grande abnégation, une lutte intérieure, des sentiments cachés et des souffrances secrètes. Sa perspicacité aidait à le faire souffrir. Il se disait bien que peut-être il exagérait et que surtout il n'aurait rien pu faire peut-être. Mais, cependant, au regret poignant de cette douleur dont il sentait qu'il ne pourrait jamais se consoler complètement, se mêla un vague remords. Enfin, Massimo se coucha et s'endormit d'un sommeil troublé. Mais, dans ses rêves, il revit encore sa sœur si aimante et si douce. Il lui semblait l'entendre murmurer de vagues paroles, tout en tournant vers lui son regard de femme et son sourire d'enfant.